question intéressante. Le suicide, c'est toujours une influence qui vient d'un plan astral inférieur. Ça va mal, t'as perdu ta maison, t'as perdu ta femme, t'es découragé. Mais qui c'est qui amplifie ton découragement? Le suicide, c'est toujours une question d'amplification. Parce qu'il y en a bien des gens qui perdent leur femme et leur maison, puis qui se suicident pas, qui ont des faillites en affaires. Mais si moindrement une personne est influencée de l'astral inférieur, là, le suicide devient une relation vibratoire entre eux autres et toi. Il n'y a aucun homme, il n'y a pas un égo qui se suicide. L'égo se suicide pas. Puis la preuve que l'égo peut même pas se suicider. Parce que l'égo est en relation avec l'âme. L'âme ne permettra jamais qu'un égo se suicide. Seulement que si l'esprit de l'égo est affecté ou infecté par un autre esprit, l'autre esprit a plus de pouvoir sur l'égo, parce que l'autre esprit va passer par l'astral de l'égo, tandis que l'âme passe par ici. Puis comme ça, c'est pas développé encore. C'est l'astral qui va gagner. Autrement dit, c'est le gars qui est sur l'autre plan qui va t'influencer. Tandis qu'un homme qui est en contact avec l'âme au niveau, il ne peut jamais se suicider, qui passe les plus grandes souffrances. Moi, j'en suis un exemple, j'ai vécu une maladie mentale, mais jamais j'ai bluffé. Je me disais, si vous arrêtez pas, mon misigouné, les autres, ils rient. Ils rient. Parce qu'ils savent que tu ne peux pas, parce que c'est eux autres qui runnent le show. Mais si l'on n'a pas en connexion avec ce plan-là, à ce moment-là, tu perds, t'es réellement dans une situation difficile où ta résistance psychologique est affaiblie, c'est là que les autres rentrent, c'est là que c'est difficile. Est-ce que tu peux avoir un déclic à un moment donné et dire, parce qu'il y en a qui ont des suicides, mais que finalement... C'est parce que l'influence est passée forte. Parce que si l'influence devient n'importe, t'as plus de déclic. Bon, ben, c'est pas rien. Une personne peut arriver à un moment donné à avoir un déclic. Le gars là, qui a tiré une patte, là. Mm-hmm. Il y a un autre, là, prendre pas celui-là, il y a un autre en Angleterre, là, qui est The Ripper, là, l'an passé, là. Ouais. C'est à quoi ça répond? Il disait, un jour, il travaille dans le cimetière, là, c'est pas ça? Il dit, un jour, Dieu, il a dit qu'il fallait qu'il nettoie. Dieu! Ah, ben, il y a un peu. La voix de Dieu, t'entends la voix de Dieu, Charlie, tu comprends pas, grand boss. Ça, c'est comme ceux qui se font parler par le Christ. Grand boss. Le Christ te dit de connaître tout le monde. Tu dis quoi? Charles Manson, pareil, c'est pas un peu. Ah, lui aussi. Mm-hmm. Charles Manson? Non, Manson. C'est tout le Dieu qui parle. C'est une bière. C'est un honneur. Oui. Il était là. Et ça va loin. Et ça l'a fait pas en confusion, lui, dans le fond. Il était là parmi le monde des esprits, mais... Lui, ouvert ses centres, il était en fenêtre de la mèche noire. Ouais. Mais tu comprends, tu commences à lire la mèche noire. Tu les ouvres, tes centres. Mm-hmm. Ben, c'est ça. C'était de la mèche noire, lui. Là, t'es en relation avec ces entités-là. Ils font penser n'importe quoi. Faut pas. Tu sais, quand je parle, il y a rien d'où ces influences. Il y a rendu une névrose. Hein. Dans notre domaine de l'ouverture de l'esprit de l'homme sur d'autres. Hein, tu comprends? Faut que tu fasses attention. Faut que tu saches avec qui tu parles, Charlie. Miguel a eu une grande expérience en passé, 7-3 ans. Mais ça, je rappelle son expérience. Chacun a son expérience. Faut qu'on soit extrêmement intelligent. Puis être intelligent, c'est être sûr de soi. Avant du discernement. Sûr de soi. Quand t'es pas sûr de toi, là, c'est parce que tu manques d'intelligence. Mmh.

subtil. Tu le rends la créativité. Est-ce que tu ne deviens pas responsable de ce que tu crées? Quand tu crées consciemment, mm-hmm. quand tu crées consciemment, tu crées consciemment. Puis quand tu crées consciemment, tu peux jamais te détruire. Mm-hmm. Fait que tu es toujours responsable. C'est ça. Tu es responsable. Non, fais attention. Non, c'est pas être responsable de quelque chose dans le sens de la qualité de responsabilité découle du fait que tu es conscient. Mm-hmm. Mais tu te sens pas responsable. Non. Mais la qualité de responsabilité, autrement dit, l'équilibre entre ce que tu fais et ce qui est donné, la qualité de responsabilité découle de ta conscience. Parce que si tu commences à penser des responsabilités, mais là, tu commences à penser à des attitudes, c'est pas bon. C'est ça, c'est au niveau de l'ego. Ouais. Moi, si Glenn me demande toujours à la télévision que j'en parle pas, c'est moi qui me demande toujours sur l'avortement, j'en parle pas, tu pourras empêcher de créer des remous pour rien. Mm-hmm. Ça, c'est la qualité de la responsabilité de la conscience. Ça fait partie de la perfection de la conscience. Mais moi, je ne veux pas commencer à me sentir responsable d'en parler ou de ne pas en parler. Moi, je suis vide. Je sais que tu dois profiter. La vibration arrête, ça finit. Si tu ne veux pas en parler, dis non. Ça arrête. Mm-hmm. Responsabilité, pas de responsabilité, ça ne bouge pas. Mais la qualité de la responsabilité envers l'homme, les gens qui seraient bouleversés, est maintenue. Et ça, ça revient au fait que quand tu fais quelque chose créativement, c'est pas toi qui es responsable de ce que tu fais. C'est... Tu canalises. Ah, sans ça, si tu étais responsable de tout ce que tu fais, t'as les épaules et pèses de pays. Hey. Je commençais à m'inquiéter du monde qui passe par des changements vibratoires, puis qui capote, puis qui sont sur le point de capoter, ou qui ont peur de capoter, puis qui est là, bon, tout d'un coup, il capote, tout d'un coup, elle capote, mais je ferai rien, tiens. Il faudrait que je chante l'affaire de la responsabilité, l'illusion mentale ou psychologique de l'ego envers la responsabilité. Je pourrais pas faire ce que je fais. Tu détestes. Je serais toujours inquiète. Je dirais, bon, mais elle est correcte, je peux y parler. Lui, il est correct, je peux y parler. Elle n'est pas correcte, je peux pas y parler. Fait que là, j'empêcherai automatiquement des personnes de passer par leur expérience. Mm-hmm. Tu donnes, mais tu détaches du résultat. C'est plus ton affaire. En somme, c'est plus. Quand tu donnes, consciemment, tu es détaché de ce que tu fais. Ta conscience te permet de savoir que ce que tu fais, c'est ça. Est-ce que tu comprends? Ça passe, c'est correct. Ça passe pas, ça fait partie de l'évolution. Ça fait partie de... Sans ça, tu pourras pas. Mm-hmm. Le gars qui s'est suicidé là, parce qu'il disait mes textes, je commençais à me sentir, il disait pas de grosse main. Voilà. Surtout quand je les ai avertis de pas lire mes textes. Mm-hmm. Si les gens m'écoutent pas, c'est pas ton problème. Quand je parle au monde, les gens ne s'appellent plus. Fait que c'est sait. Quand tu lis mes textes, c'est pas bon. Quand quelqu'un est fatigué? Oui, souvent fatigué. Pas d'énergie. Non. L'ego est frustré comme en résultant de ça, parce qu'il ne comprend pas qu'il y a rien à faire. Si la personne n'a rien à faire et n'a pas d'énergie, elle ne devrait pas s'en faire. À ce moment-là, elle ne serait pas frustrée. Mais si elle s'en fait, ben oui, c'est ça. D'abord, plus vous conscientisez, plus vous perdez votre énergie. Parce que plus elle monte, c'est. Je l'ai déjà dit, ça, je suis sûr qu'il y en a des hommes qui sont moins forts que les dames. N'est-ce pas des hommes qui se sentent moins forts? Oui, oui. C'est normal. Le rite de pigeante. Parce qu'avant, vous boostiez astralement, mais une fois que l'astral change, tu ne peux plus te booster astralement. Fait que tu es moins fort. Tu ne peux plus faire des runs d'autobus aussi longtemps. Les voyages commencent à être longs. Hein? Charles de Philly, oui. Mais quand tu comprends ça,

Bernard, les migraines, c'est du lié à la les migraines? Il y a trois sortes de migraines. Il y a les migraines qui proviennent du fait que l'énergie de l'âme est mal canalisée dans le mandat. Il y a les migraines qui sont liées à l'anxiété profonde de l'ego. Puis il y a des migraines qui sont le résultat d'un débalancement physiologique comme ça. Fait que c'est une des trois. Si c'est l'âme et l'ego, ça s'arrange. Si c'est l'anxiété, ça s'arrange. Puis si c'est le cerveau qui est défectueux, à ce moment-là, change de tête. Les gens qui sont psychiques, les gens qui deviennent conscients, qui sont conscientés, qui sont sujets à avoir des migraines. Pas tous, ça va. C'est un logiciel comme un terme, on a eu des migraines. Ça, c'est eux autres. Ça, c'est bien souffrant. Des maux de tête. Pas seulement les migraines. Tu parles des maux de tête. Y en a-tu encore des maux de tête? Ça, c'est une allergie. Ça, c'est l'ouverture de ça. Bernard, les brûlements ici, quand ça brûle ici, c'est le symptôme physique de l'activité. Les migraines que j'ai, c'est l'énergie. Les migraines, chez vous? Oui. Vos migraines, c'est lié à l'énergie. Oui. Vous en avez une coupe de nerfs. Encore une coupe de nerfs. Un coup qu'on se débarrasse de ça, ça ne vient pas de vous. Non. Ça peut revenir de temps en temps, mais éventuellement, ça diffère. Ça mais non, il n'y a pas de cause physique. Il n'y a pas de cause physique. C'est là. Ça va encore. Pendant qu'on parle des migraines, là, ça c'est bien intéressant. Il y a une sorte de souffrance. Que souffrent ou que doivent souffrir ceux qui se conscientisent ou ceux qui sont sensibles à l'énergie de l'art. Pas nécessairement qui se conscientisent, mais les psychiques, les médiums souvent, sont des gens qui ont accès à des migraines. Puis ça, ça fait partie du fait que le pinéal, quand l'énergie descend et qu'elle rentre par ce centre-là. Le spinal, c'est un centre tellement sensible. C'est comme s'il explose. Qui c'est qui peut avoir ça, le pinéal? Tu peux avoir ça, le pinéal? Là, j'ai commencé quand t'as entendu ça explose. C'est comme l'énergie descend, là, c'est comme si ça explose. C'est comme un soleil qui envoie des... qui se dégage de trop d'énergie. Puis si les centres plus bas, l'explosion n'est pas aussi grande. C'est pas aussi. Celui-là, chakra. Les autres chakras. C'est ça, le charbon. Je voyais comme un charbon. Le petit qui. Quand j'ai vu la différence, comme un soleil qui. C'est pas aussi intense, ces autres. Non. Puis on a ça dans la tête, cette patente-là. Moi, c'est toujours ici. La région de la tête, on en sort. Je veux qu'on suive la frustration. La frustration chez les enfants. Les enfants sont beaucoup frustrés, mais ça ne paraît pas. Fait que chez les enfants, souvent, la frustration, soit qu'elle reste en dedans, ou qu'elle se manifeste par des actes quelconques. Des actes qui ne sont pas toujours bien instants. Réaction. Il dit qu'avec nos enfants, on devrait être patient. Le remède, là, avec les enfants, parce qu'ils sont trop jeunes. Puis, tu ne peux pas toujours leur organiser le cadran. C'est pas de leur faute. Il dit avec les enfants, parce que tous les êtres vivent la frustration. Avec les enfants, il faut qu'on soit patient.